Bosco Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Les prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux montent ces jours de fête. Nos reporters à Bujumbura et Karuzi nous feront part de leurs constats. Et quand des hommes sont victimes de violences de différentes natures dans leur famille, ce n'est pas très courant, dirait-on, mais c'est parce qu'ils ne le disent pas haut. Sinon, c'est une réalité, notamment en province Kayanza, où l'on en recense environ 195 ces deux dernières années, selon des chiffres fournis par le Centre de développement familial et communautaire. Reportage à suivre dans ce journal. Et les parents du secteur Ngayamba de la ville de Rumonge saluent l'interdiction de sortie des jeunes filles de moins de 18 ans au-delà de 18 heures et voudraient que cette mesure s'étende aussi aux garçons de cette tranche d'âge. Notre correspondant nous en donnera les détails. Et dans ce journal également, nous revenons sur la nouvelle organisation du cabinet du gouverneur de province. Voilà pour le sommaire. Bonjour, je venais de vous le dire, nous parlons du cabinet du gouverneur tel qu'il est maintenant organisé. Le chef de province est le représentant du chef de l'État et du chef du gouvernement dans sa province. Il dispose à cet effet d'un cabinet et d'un conseil provincial. L'administration provinciale est assurée par le gouverneur de province, assisté par un chef de cabinet. Et le cabinet du gouverneur comprend le gouverneur, le chef de cabinet et quatre conseillers. Selon la nouvelle organisation de l'administration provinciale, on fait le point sur cette nouvelle organisation provinciale avec Didier Nyonzima. Dans la nouvelle organisation de l'administration provinciale du décret du 14 décembre 2020, il est stipulé que le gouverneur de la province est nommé par le président de la République après confirmation par le Sénat. Il est un cadre du personnel politique de l'État. Son cabinet comprend le gouverneur, le chef de cabinet et quatre conseillers. Dans ses missions, il doit administrer la province conformément aux lois et règlements en vigueur, assurer l'ordre et la tranquillité publique et veiller d'une manière générale à la sécurité des personnes et des biens. Le gouverneur doit veiller à la réalisation des programmes gouvernementaux et prendre dans le cadre de ses compétences toutes mesures susceptibles de promouvoir la paix et le développement dans sa province. Son cabinet comprend quatre conseillers, à savoir celui chargé des affaires juridiques, un conseiller chargé du développement, un conseiller chargé de l'administration et des finances et celui chargé des affaires socio-culturelles. Les conseillers sont des cadres politiques nommés par un décret sur proposition du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions, selon l'article 28, tandis que les membres du conseil provincial sont nommés par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions et ils ont un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Merci Didier. Environ 195 hommes ont été victimes de violences de différentes natures dans leur famille et ces deux dernières années en province Kayanza. Certains parmi eux disent qu'ils n'osent pas l'avouer au grand jour, de peur d'être traités de marginaux ou de faibles par la société. Melchior Nyabenda, conseiller socioculturel du gouverneur, invite les hommes qui subissent des violences basées sur le genre dans leur famille de ne pas en avoir honte et de se confier à l'administration et au centre de développement familial et communautaire pour que ces structures les aident à trouver une solution à ces problèmes familiaux. Reportage Patrick Nsengiyumva. Certains des hommes habitant au centre urbain de Kayanza en commune et province Kayanza contactés disent qu'ils sont victimes des violences basées sur le genre faites aux hommes et indiquent qu'ils en ont longuement souffert. Ils nous ont fait savoir que des fois, ils trouvent refuge dans l'alcool. L'alcool qui se le eut leur permet d'oublier provisoirement les violences dont ils sont victimes dans leur famille. D'autres parmi ces hommes victimes des violences basées sur le genre faites aux hommes déclarent qu'ils subissent des menaces dans leur famille de la part de leur conjointe, allant jusqu'à celles-ci commettent l'abandon de famille. Les voisins des victimes avec lesquels nous nous sommes entretenus témoignent que dans la société burundaise d'aujourd'hui, les violences faites aux hommes restent toujours une réalité. Ils affirment pourtant que beaucoup des hommes qui sont victimes des violences basées sur le genre ne le déclarent pas de peur d'être traités de faibles ou de marginaux par d'autres membres de la société. Melchior Nyabenda, conseiller socioculturel du gouverneur en province Kayanza, invite les hommes victimes des violences basées sur le genre à ne pas avoir honte de déclarer leur situation, car d'appeler toujours ce responsable, l'administration et le centre de développement familial et communautaire peuvent intervenir pour que les problèmes trouvent solution. Et d'après les données chiffrées fournies par le Centre de développement familial et communautaire en province Kayanza, lesquelles données sont d'ailleurs confirmées par Florence Ndikumana, coordinatrice à ce centre, ces deux dernières années, environ 195 hommes ont subi des violences basées sur le genre faites aux hommes, dont un parmi eux d'ailleurs a été tué par sa conjointe. Depuis Kayanza, Patrick Nsengin va pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. À Kirundo, les passagers voyageant à bord de petits véhicules de transport en commun dénoncent une hausse du prix du ticket de transport. Le trajet de Kirundo à Ngozi se paye à 5 000 dans des conditions normales, mais aujourd'hui il se paye entre 8 000 et 10 000 francs burundais. Le ticket de Kirundo Bujumbura est de 11 000 francs sur les agences de voyage, mais les chauffeurs de taxi demandent entre 25 000 et 30 000 francs burundais à cause d'une forte demande d'élèves qui rentrent en vacances et d'autres passagers qui rejoignent leur famille pour les fêtes de fin d'année. Les passagers demandent au gouvernement de fixer les prix des tickets connus de tous et de sanctionner les spéculateurs. Abraham Safari. Selon les informations issues de certains passagers, le trajet de Kirundo à Ngozi était payé dans les conditions normales à 5 000 francs bout, mais à partir de la semaine passée, le ticket a été de 6 000 francs et à partir de ce lundi, le ticket est arrivé à 8 000 francs bout. À la tombée de la nuit, lorsque les chauffeurs sachent qu'il n'y a plus de policiers le long de la route, ils n'hésitaient pas à embarquer 10 personnes dans un véhicule destiné à transporter 5 personnes. Des fois, le ticket arrive à 10 000 francs bout et certains passagers s'allongent au capot, l'endroit réservé aux marchandises. Tout cela, selon nos interviewés, dépend des élèves en grand nombre qui partent en vacances, les domestiques, les fonctionnaires de l'État et ceux des organisations qui rejoignent leurs familles pour fêter ensemble la fin d'année. Pour ceux qui se rendent à Bujumbura, alors que le ticket sur les agences de Volcano et Memento est de 11 000 francs, ceux qui prennent les petits véhicules sont obligés de payer une somme allant entre 25 000 et 30 000 puisque les réservations sur ces agences arrivent jusqu'à ce vendredi. Les passagers demandent au gouvernement de fixer les prix des tickets de voyage et exiger le port des tickets ou reçus aux chauffeurs pour donner à tout passager afin que la police puisse vérifier facilement s'il n'y a pas eu de spéculation de la part de ces chauffeurs. Rappelons que le numéro vert de 413 a été donné par le ministère des Transports pour dénoncer les chauffeurs qui font des spéculations. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Et le prix des denrées alimentaires a augmenté sur certains marchés de la mairie de Bujumbura. Par exemple, au marché connu sous le nom de Chez Sillon, le prix du kilo de viande sans os a été augmenté de 3 000 francs burundais, passant donc de 10 000 à 13 000 francs bout. Les commerçants, tout comme les acheteurs, relativisent ce phénomène et disent que ce serait dû aux fêtes de fin d'année. Vestine Boutouy s'est rendue sur terrain sans constat. Au marché de Bujumbura City Market, communément appelé Chez Sillon, des marchands et acheteurs rencontrés sur place affirment faire face à la montée du prix des denrées alimentaires. Ceux-ci donnent l'exemple du coût d'un kilo de viande sans os qui était à 10 000 francs burundais mais qui actuellement se vend à 13 000 francs burundais. Le petit pois frais qui était à 2 500 francs bout par kilo est actuellement à 3 000 francs burundais. Le riz de première qualité qui était à 2 500 francs burundais par kilo s'achète à 2 700 francs burundais. L'oignon blanc, qui se vendait à 1 500 francs burundais par kilo, se vend maintenant à 1 700 francs burundais. Une des marchands qui était sur le lieu explique ce phénomène par la spéculation suite à la célébration de ces fêtes de fin d'année. Même constant au marché de Kotebou, même si les prix se diffèrent, certains acheteurs disent que le prix du petit pois frais était de 1 900 francs burundais par kilo, mais aujourd'hui, il se vend à 2 500 francs burundais. La hausse du prix de ces denrées alimentaires des avantages et certains portefeuilles rencontrés aux 10 marchés qui déplorent que certains acheteurs retournent à leur maison sans rien acheter suite à la montée de ces prix et qui par conséquent ratent leur pain. Ces portefeuilles demandent le respect des prix des denrées alimentaires pour l'intérêt de tous. Merci Vestine. Et certains habitants de Karuzi se plaignent de la montée des prix des denrées alimentaires de première nécessité, signalant qu'un certain de ces produits se vendent actuellement au prix double. Cette population explique que cela constitue un obstacle majeur pour la célébration des fêtes de fin d'année, puisque la situation financière est mauvaise dans les ménages. Blaise Pascal Kararoumié. La plupart de ces denrées alimentaires de première nécessité dans la vie des familles de la province Karuzi ont grimpé de prix les deux derniers mois, comme l'indiquent certains habitants. C'est notamment le haricot dit Kinure que la plupart des agriculteurs de Karoussi aiment cultiver, mais actuellement vendu à 1800 francs le kilo, et le petit à 1800 francs le kilo, au moment où, lors de la récolte, ce même haricot se vendait à 500 francs ou 600 francs le kilogramme. C'est aussi le petit haricot qui est récemment produit, mais qui se vend actuellement à 1400 francs le kilo. Certains font signaler que c'est la première fois que le haricot arrive à ce prix, expliquant qu'à la même période, le haricot de type volubile ne dépassait pas 1000 francs le kilo et celui de petit calibre entre 700 francs et 800 francs le kilo. Il faut savoir que c'est peu de familles qui consomment actuellement à volonté le haricot dans leur repas. Le régime de bananes, qui était à 3000 francs, est actuellement vendu entre 5000 et 6000 francs sur différents marchés de Karoussi. Et certains s'étonnent qu'une banane soit vendue à 1200 francs et plus au marché. La patate est douce, c'est du nouveau, disent certains marchands rencontrés, qu'un petit panier ou bassin d'une dizaine de kilogrammes s'achète 5000 francs, alors qu'il s'achetait 2000 francs ou 2500 francs au plus il n'y a pas deux mois. L'orgue qui est cultivée dans différents marais de la province Karoussi se vend actuellement entre 1700 et 1800 francs au kilo, alors qu'il se vendait à 1000 francs et même moins à la même période de l'an passé. La montée des prix est confirmée par l'Istebu de Karoussi qui collecte des données sur les prix dans leur service et signale que même il y a rareté de certains produits sur les marchés de Karoussi. Déplorant la montée exponentielle des prix de ces produits, certains habitants précisent que cela constitue un obstacle pour célébrer les fêtes de fin d'année de 2020, tout en expliquant que les finances dans les ménages s'amenuisent plutôt. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Kisangani. Merci Blaise Pascal Kararoumié pour ce reportage. Vous voudrez bien nous excuser pour la qualité sonore de cette correspondance. Il est 13h, bientôt 7 minutes, à Bujumbura et sur Kisangani. Kisangani. 160 litres de boissons prohibées ont été déversés le matin de ce jeudi sur la colline Moussama, en commune Kayokwe de la province Mwaro. L'administrateur de la commune Kayokwe dit que la personne chez qui cette boisson a été trouvée est dans les mains de la police. Le matériel utilisé pour la fabrication de cette boisson a été également saisi. Honoré Hatungimana conseille aux fabricants de ces boissons prohibées d'y renoncer car elles sont une source de bagarre dans les ménages et provoquent des fois le gaspillage des revenus familiaux. L'interdiction de sortie des jeunes filles de moins de 18 ans au-delà de 18 heures est salutaire aux yeux de certains parents de Ngayamba interrogés. Cette mesure de l'administration collinaire dans ce secteur de la ville de Rumonge devrait s'étendre sur tous les enfants de moins de 18 ans selon le représentant de l'ONG FVS Amis des enfants en province Rumonge qui estime que même les jeunes garçons sont concernés par les différentes violations des droits des enfants. Nous reviendrons sur ce reportage de notre correspondant Jean-Pierre Misago dans nos éditions ultérieures. Et le gouvernement tanzanien réaffirme que les droits des réfugiés burundais se trouvant dans les camps sur son sol sont respectés. Le vice-ambassadeur tanzanien au Burundi, Kilodi, rejette le rapport de la Commission de l'Union africaine des droits de l'homme faisant état de la violation de ces droits. Docteur Edmond Kitokezi indique que la tripartite Burundi-Tanzanie-HCR coordonne toutes les opérations qui sont à l'intérieur des camps des réfugiés. Et dans le reste de l'actualité internationale, en Centrafrique, Bambari, à quelques 380 km au nord-est de Bangui, c'est de nouveau sous contrôle gouvernemental. Les casques bleus et les forces armées centrafricaines disent avoir repris mercredi cette quatrième ville de la République centrafricaine aux rebelles qui s'en étaient emparés la veille. La tenue des élections dimanche est un enjeu majeur pour l'ONU et le pouvoir du président sortant Faustin Archange Touadéra, grand favori, qui exclut tout report malgré les attaques des groupes armés dans son pays ravagé par la guerre civile. Et enfin, le Front populaire ivoirien a annoncé mercredi sa participation aux élections législatives du premier trimestre de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Pendant au moins 10 ans, cette formation politique a boycotté les différents scrutins organisés dans le pays. Le retour annoncé de son leader, Laurent Gbagbo, est peut-être passé par là. Des analystes saluent déjà cette fin de la politique de la chaise vide. Pas facile cependant de mesurer aujourd'hui le poids électoral de cette formation politique après ce long passage à vide. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. J'en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Les prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux augmentent ces jours de fête. Vous avez suivi les reportages de Bujumbura et à Karuzi. Et quand des hommes sont victimes de violences de différentes natures dans leur famille, ce n'est pas très courant, dirait-on. Mais c'est parce qu'ils ne le disent pas haut, sinon c'est une réalité. Notamment en province Kayanza, où l'on en recense environ 195 ces deux dernières années, selon des chiffres fournis par le Centre de développement familial et communautaire. Et les parents du secteur Ngayamba de la ville de Rumonge saluent l'interdiction de sortie des jeunes filles de moins de 18 ans au-delà de 18 heures et voudraient que cette mesure s'étende aussi aux garçons de cette tranche d'âge. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kobimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Passez un très bon après-midi et joyeux Noël déjà.